Chapitre 42e. Que pouvez-vous donner en retour? En dépit des tristesses de sa famille, Béatrice passait par une des phases les plus heureuses de sa vie. Il est rare que les jeunes filles à la veille d'être mariées aient des relations très fréquentes avec leurs fiancés. Tel était cependant le cas pour Béatrice, grâce à l'empressement que M. Auriel mettait à profiter des facilités du voisinage. Puis Patience avait toujours quelques prétextes pour l'entraîner au presbytère. Tantôt elle devait donner son avis en particulier sur quelque arrangement domestique, tantôt se prononcer sur quelque embellissement du salon ou sur le choix d'un nouveau tapis. Mais les conférences des jeunes filles étaient toujours interrompues par un tiers. Ce que dirent et firent les paroissiens de M. Auriel pendant ces jours filés d'or, peu importe à notre histoire. Il n'était plus question des services du matin, et M. Auriel s'était procuré un zélé des servants. Toutefois, un chagrin pesait sur le cœur de Béatrice. Elle entendait continuellement sa mère s'exprimer dans des termes qui lui démontraient de plus en plus l'impossibilité de voir Marie assister à son mariage, et cependant, elle avait promis à son frère de le lui demander. Franck avait aussi répété sa menace de s'absenter si Marie n'était pas au nombre des demoiselles d'honneur. Béatrice fit ce que font la plupart des jeunes filles en pareille occasion et que feraient toutes celles qui ont un peu de jugement. Elle demanda conseil à son fiancé. « Mais Franck plaisante, dit le fiancé, il assistera naturellement à notre mariage. « Vous ne le connaissez pas, Caleb, il est tellement changé. Vous ne pouvez vous imaginer combien il est devenu sérieux et résolu. D'ailleurs, j'aimerais tant avoir Mary à notre mariage, si maman voulait le permettre. « Demandez-le à Lady Arabella, dit Caleb. « Je suppose qu'il me faudra bien en venir là, mais je sais ce qu'elle me répondra, et Franck ne voudra jamais croire que j'ai fait tout ce qui a dépendu de moi. » Mais Béatrice fut toute surprise de la manière dont sa demande fut accueillie. « Très bien, ma chère, lui dit Lady Arabella, je n'y vois aucun obstacle, si Mary est disposée à se conduire convenablement. Oh, maman, elle s'est toujours conduite et se conduira toujours convenablement. Je l'espère. Mais, cher enfant, quand je dis que j'aurais du plaisir à la recevoir, je l'entends sous certaines conditions, et si elle voulait seulement faire comprendre à Franck qu'elle ne peut pas prêter l'oreille à ses folles propositions, je serais enchanté de la recevoir à Greshamsbury comme par le passé. » Béatrice n'avait rien à répondre, mais elle était convaincue que, quelles que fussent les intentions de Mary, elle ne se chargerait jamais, pour complaire à qui que ce fût, de rien faire comprendre à Franck. « Eh bien, continua Lady Arabella, j'irai trouver moi-même Mary. « Comment ? Chez le docteur Thorn ? Oui, pourquoi pas ? Ce ne sera pas ma première visite. » Et Lady Arabella ne put s'empêcher de penser à la résolution qu'elle avait prise de ne plus remettre les pieds chez le docteur. Mais elle était décidée à faire n'importe quel sacrifice par dévouement pour son fils rebelle. « Oui, je le sais, maman, dit Béatrice. J'irai la voir, et si cela m'est possible, je lui demanderai moi-même d'être des nôtres. Dans ce cas, vous pourrez ensuite prendre vos arrangements avec elle. Écrivez-lui un mot, ma chère, et dites-lui que je serai chez elle demain vers midi. Elle pourrait être un peu intimidée si elle me voyait arriver inopinément. » Béatrice obéit, mais avec le pressentiment que cette visite ne produirait rien de bon. Le billet était certainement inutile pour le motif que donnait Lady Arabella, car Mary n'était pas femme à se laisser intimider par un semblable incident. Mais il valait peut-être mieux l'écrire afin qu'elle pût réfléchir d'avance à ce qu'elle avait à dire ou à taire à Lady Arabella. Le jour suivant, à l'heure fixée, Lady Arabella se dirigea vers la maison du docteur. Elle ne passait jamais par le village sans produire une certaine agitation parmi ses habitants. Ils étaient habitués à voir fréquemment le squire, qui pouvait passer et repasser au milieu d'eux sans faire la moindre sensation. Mais sa noble épouse n'avait jamais été prodigue de sa présence, de sorte que lorsqu'elle arriva devant la maison du docteur, la nouvelle s'en répandit en moins de 10 minutes dans tout le village, et elle n'en était pas encore sortie que Mrs. Humbleby et Miss Gushing avaient déjà décidé entre elles du motif de ce singulier événement. Le docteur, averti de la visite de Lady Arabella, s'était tenu prudemment à l'écart de sorte que Mary eut le plaisir de la recevoir seule. Rien n'aurait pu surpasser l'affabilité de la grande dame, bien que Mary, probablement sous l'influence de ses préventions, se dit qu'elle aurait pu se dispenser d'affecter la condescendance. Lady Arabella sourit et prit un air mielleux. Elle s'informa du docteur et de Janet, elle fit même attention au chat, et parla comme aurait pu le désirer toute personne moins raisonnable que Miss Thorne. Et maintenant, Mary, je vais vous dire pourquoi je suis venue. » Mary s'inclina légèrement. « Vous savez que Béatrice va se marier sous peu. Nous pensons que ce sera au mois de septembre, dans les premiers jours de septembre. Ce moment n'est donc pas éloigné. La pauvre fille désire beaucoup que vous assistiez à son mariage. » Mary rougit, mais elle se contenta de dire d'un air assez froid qu'elle n'était pas surprise de cette preuve d'amitié de la part de Béatrice. « Je puis vous assurer, Mary, qu'elle vous aime toujours autant que par le passé, et moi aussi, en vérité, ainsi que toute notre famille. Vous savez que M. Gresham a toujours été votre ami. » « Oui, je le sais, et je lui en suis très reconnaissante, » répondit Mary. Il était heureux que Lady Arabella eût de l'empire sur elle-même, car si elle eût dit sa façon de penser, il y aurait eu peu de chances de réconciliation entre elle et Mary. « Oui, il était véritablement votre ami, et je crois que nous avons fait les uns et les autres tout ce qui dépendait de nous pour vous bien recevoir à Greshamsbury, jusqu'au moment où ces événements désagréables ont eu lieu. Quels événements, Lady Arabella ?»« Et Béatrice y tient si essentiellement, » continua Lady Arabella, éludant pour le moment de répondre à la question de Mary. « Vous avez toujours été deux amis si intimes, qu'il manquerait quelque chose à son bonheur si vous n'étiez pas auprès d'elle à son mariage. « Chère Béatrice, » dit Mary entraînée par ses véritables sentiments, « elle est venue me supplier hier de ne pas m'y opposer. Je ne lui ai pas encore répondu. Quelle réponse pensez-vous que je doive lui faire ?»« Quelle réponse ?» dit Mary. « Oui, quelle réponse pensez-vous que je doive lui faire ?» répéta Lady Arabella. « Je désire vous poser cette question, car vous êtes la personne que cela concerne le plus particulièrement. » Mary réfléchit un instant, puis elle répondit d'une voix ferme. « Je pense que vous devriez dire à Béatrice que, comme vous ne pouvez pas me recevoir avec plaisir dans votre maison, il vaut mieux ne pas m'y recevoir du tout. » Si Mary avait été surprise de la question, Lady Arabella fut surprise à son tour de la réponse. « Mais, Mary, je vous recevrai avec plaisir si je le pouvais. Mais il semble que vous ne le pouvez pas. » « Lady Arabella, il est donc inutile d'en parler. »« Mais je ne sais pas, » dit la grande dame avec son plus doux sourire. « Je ne sais pas. Je voudrais mettre fin, si cela m'était possible, à tous ces sentiments d'inimitié. Tout cela ne dépend que d'une seule chose, vous savez. »« En vérité, Lady Arabella ?»« Oui, d'une seule chose. Vous ne vous fâcherez pas si je vous fais encore une question, n'est-ce pas, Mary ?»« Non, du moins je ne le pense pas. »« Est-il vrai que vous ayez promis à Frank de l'épouser ?» « Vous devez avoir entendu parler d'une semblable rumeur. »« Oui, j'en ai entendu parler. »« Et je dois dire que vous vous êtes conduite très convenablement quand vous avez été à Boxall Hill, et avant cela, avec Miss Auriel chez sa tante. » Mary se sentit frémir d'indignation et commença à préparer une réponse qui devait être décisive et tranchante. « Néanmoins, » poursuivit Lady Arabella, « les commérages continuent, et Frank, qui n'est encore qu'un enfant, semble s'être mis quelques folies en tête. » Cette allusion à la folie de Frank ne calma pas l'indignation de Mary. « Je regrette de le dire, mais il ne s'est pas conduit dans cette affaire aussi convenablement que vous. Or, je vous demande simplement s'il y a quelque vérité dans ces bruits. Si vous me dites qu'il n'y en a pas, je serai parfaitement satisfaite. »« Mais c'est tout à fait vrai, Lady Arabella. Je suis promise à Frank Gresham. Vous avez promis de l'épouser ?»« Oui. » Rien ne pouvait être plus catégorique que la réponse de Mary, et en la faisant, la jeune fille regarda en face la grande dame, quoique rougissant jusqu'au front. « Et vous osez me le dire en face, Miss Thorne ? Ne me l'avez-vous pas demandé ? Voudriez-vous que je vous répondisse par un mensonge ? La vérité est que j'ai promis d'épouser Frank. » La brusque franchise avec laquelle Mary confessait son crime coupa presque la respiration à la grande dame. Elle ne doutait pas que les jeunes gens n'eussent échangé une promesse de mariage. Elle n'avait peut-être pas espéré que Mary le nierait, mais elle ne s'était pas attendue à une confession aussi directe. « Dans ce cas, » dit Lady Arabella, « il est impossible que vous soyez reçue à Greshamsbury. »« Tout à fait impossible, Lady Arabella. Vous répétez simplement la réponse que j'ai faite à votre première question. Je ne puis désormais retourner à Greshamsbury que comme la belle-fille acceptée de M. Gresham. » « Et cela est parfaitement impossible pour le moment et pour toujours. » « Je ne discuterai pas avec vous sur ce point, mais comme je l'ai déjà dit, je ne puis assister au mariage de Béatrice. » Lady Arabella garda un moment le silence, afin de pouvoir réfléchir avec calme, si cela était possible, aux meilleures parties qu'il lui restait à prendre. Menacerait-elle ou supplierait-elle? Quoiqu'émue de son côté, Mary, plus prompte que Lady Arabella, la prévint en se levant et lui dit « Je ne me fais aucune illusion, milady, sur l'engagement que j'ai pris avec votre fils. Cet engagement ne lie réellement que moi, car je ne m'en prévaudrai jamais s'il usait de la liberté que je lui laisserai toujours de le rompre. Aucun reproche ne sortira de ma bouche. Il le sait, et je veux le lui redire encore. C'est tout ce que je puis faire pour entrer dans vos vues, Lady Arabella. » Elle continuait à rester debout et regardait Lady Arabella en face, comme si elle eût voulu lui donner à entendre qu'il était temps qu'elle sortira. Lady Arabella le comprit. Elle se leva elle-même en s'avouant qu'elle avait affaire à un esprit supérieur au sien. « Très bien, » dit-elle d'un ton qu'elle s'efforça vainement de rendre très imposant. « Je lui dirai que vous lui laissez la liberté de réfléchir une seconde fois sur un engagement imprudent, et je ne doute pas qu'il ne le fasse. » Pour toute réponse, Mary s'inclina profondément. L'entrevue était finie. La jeune fille se retrouva seule. Elle resta debout tant que le bruit des pas de la mère de Frank se fit entendre sur l'escalier. Mais quand la porte d'entrée, en se refermant, lui fait comprendre qu'elle était bien décidément seule, elle se laissa tomber sur le sofa et, couvrant son visage de ses mains, elle fondit en larmes. Quand elle eut recouvré un peu de calme, son premier mouvement fut d'écrire à Frank lui-même pour lui raconter la visite de sa mère et, tout en protestant de la constance de ses sentiments, pour lui répéter qu'il était en effet libre. « Cher Frank, lui disait-elle, il serait trop tard pour moi de m'entendre reprocher par votre mère d'être la cause de votre ruine. Je ne vous aimerais pas comme je vous aime si je n'étais prête à sacrifier mon amour même à votre bonheur. Réfléchissez une dernière fois et reprenez votre parole. Non seulement jamais je ne vous le reprocherai, mais encore vous n'aurez pas à vous reprocher vous-même de faire ce que je vous aurais conseillé. Une ligne, une seule ligne de vous, et quelle qu'elle soit, je resterai votre ami. » Cette réponse demandée par Mary se fit attendre toute une semaine. Ce jour-là, Frank était parti pour Londres, par le premier train, avec son futur beau-frère, et ils avaient quitté le manoir pour se rendre à la station de Barchester au moment même où le facteur se mettait en route pour Greshamsbury. « Je préférais attendre l'arrivée du courrier, » avait dit M. Auriel, lorsqu'il avait été question de fixer l'heure du départ. « Quelle idée !» avait répondu Frank. « Qui a jamais reçu une lettre qui valut la peine d'être attendue ?» Quand le sac aux lettres arriva au manoir le lundi matin, le squire l'ouvrit comme de coutume pendant le déjeuner. « Voici une lettre pour Frank, » dit-il. « Elle est timbrée du village. Vous ferez bien de la lui envoyer. » Et il jeta la lettre à travers la table à Béatrice. « Elle est de Marie, » dit Béatrice en examinant l'adresse. Mais elle se repentit de ce qu'elle venait de dire lorsqu'elle regarda tour à tour son père et sa mère. Le front du squire se rembrunit. Il continua un instant à examiner les lettres et les journaux à mesure qu'il les sortait du sac. « Oh, de Mary Thorne ? » dit-il enfin. « Eh bien, vous feriez mieux de la lui envoyer. » Frank a dit que s'il venait des lettres pour lui, il fallait les garder, dit Sophie. « Je ne crois pas qu'il aime que ces lettres le suivent. « Envoyez-lui celles-là, » répéta le squire. « Toutes celles de M. Auriel doivent être adressées à Long's Hotel dans Bond Street, et celle-ci peut très bien être envoyée avec les autres. » dit Béatrice, qui savait à quoi s'en tenir et qui comptait faire usage de la dite adresse. « Oui, envoyez-la, » répéta le squire, et il n'en fut plus question pour le moment. Mais quoique Lady Arabella n'eût rien dit, elle n'en avait pas moins observé ce qui s'était passé. S'il avait demandé la lettre devant le squire, il en eut probablement repris possession, mais dès qu'elle fut seule avec Béatrice, elle la lui réclama. « J'écrirai moi-même à Frank, » dit-elle, « et je la lui enverrai. » Béatrice fut donc forcée, bien malgré elle, de la lui donner. La lettre resta toute la journée sur le bureau de Lady Arabella, qui jeta plus d'un regard curieux. Elle la tourna et retourna maintes fois, désireuse d'en connaître le contenu, mais elle n'osait rompre le cachet d'une lettre adressée à son fils. Elle la garda toute cette journée et toute la suivante. Elle ne pouvait se décider à s'en séparer. Enfin, le mercredi, elle l'expédia en y joignant ces lignes. « Cher, très cher Frank, je vous envoie une lettre de Mary Thorne. J'ignore ce qu'elle peut contenir, mais avant de correspondre avec Mary, je vous en conjure, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Par considération pour moi, pour votre père, pour vous-même, réfléchissez, réfléchissez, je vous en supplie. » C'était tout, mais c'en était assez pour tenir parole à Béatrice. Nous devons réserver pour un autre chapitre ce qui s'était passé entre Frank et sa mère et y revenir pour le moment chez notre ami le docteur. Mary ne parla pas à son oncle de la lettre qu'elle avait écrite à Frank, mais ce silence ne fit qu'augmenter sa tristesse. « Qu'avez-vous donc, Mary ? » lui demanda-t-il dans l'après-midi du dimanche. « Rien, mon oncle, » dit-elle en détournant la tête pour cacher ses larmes. « Oh, vous avez quelque chagrin ? Dites-le-moi, ma chérie. »« Je n'ai rien, c'est-à-dire rien dont il vaille la peine de parler. »« Comment, Mary ? Vous seriez malheureuse et vous ne me confieriez pas vos peines ?»« Cela serait quelque chose de bien nouveau. » »« On a des pressentiments quelquefois et l'on est malheureuse sans savoir pourquoi. D'ailleurs, vous savez, je sais quoi, ma chère. Saurais-je quelque chose qui pourrait rendre ma chérie plus heureuse ?» dit-il en la pressant sur son cœur. Les larmes de Mary coulaient en abondance et elle ne cherchait plus à les cacher. « Parlez, Mary. Il y a ici plus qu'un pressentiment. Qu'est-il arrivé ?»« Ah, mon oncle. » »« Voyons, ma chérie, parlez. Dites-moi ce qui vous afflige. » »« Ah, mon oncle, pourquoi ne m'avez-vous pas parlé ? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ce que je devais faire ? Pourquoi gardez-vous toujours le silence ?»« Le silence sur quoi ?»« Vous le savez bien, mon oncle, sur lui et sur Frank. » Ma chérie, dit le docteur après quelque hésitation, c'est une affaire dont vous devez juger par vous-même. Si votre conduite m'inspirait quelques doutes, je m'en mêlerais, mais je suis sans crainte à cet égard. Ma conduite ? La conduite est-elle tout ? On peut se conduire parfaitement bien et n'en avoir pas moins le cœur brisé ? C'en était trop pour le docteur. Son calme et sa fermeté l'abandonnèrent complètement. Mary, dit-il, je ferai tout ce que vous me demanderez. Si vous le désirez, nous quitterons immédiatement Greshamsbury. Oh non ! Dit-elle d'une voix plaintive. Quand vous me parlez de cœur brisé, vous brisez le mien. Voyons, ma chérie, ne me laissez pas ainsi. Je vous dirai tout ce que je puis vous dire. J'ai toujours cru et je crois encore que les circonstances permettront votre mariage avec Frank, si vous vous aimez l'un l'autre et si vous savez attendre. Vous croyez ? Dit-elle en glissant involontairement sa main dans celle de son oncle, comme pour le remercier par cette douce étreinte de la consolation qu'il lui offrait. Je le crois aujourd'hui plus fermement que jamais, mais il ne m'est pas possible de vous en donner l'assurance. Je ne puis vous en dire davantage, et si ce n'était que je ne puis vous voir triste, je ne vous aurais même pas dit cela. Il ne fut plus question entre eux de ce sujet. Si vous savez attendre. Mais 10 ans d'attente ne seraient rien pour Mary. Que ne pouvait-elle vivre avec la ferme assurance non seulement qu'elle occupait la première place dans le cœur de Frank, mais encore qu'elle était considérée par lui comme son égale. L'attente alors n'aurait rien de pénible pour elle. Quelles pouvaient être les circonstances auxquelles son oncle avait fait allusion ? Je crois, avait-il dit, que les circonstances permettront votre mariage. Et jamais encore elle ne l'avait vu se tromper. Peut-être voulait-il donner à entendre que la fortune de M. Gresham n'était pas aussi compromise qu'on l'avait supposée. S'il en était ainsi, cela seul ne changerait rien, car que pouvait-elle donner en retour ? Je lui donnerai le monde entier pour un mot de tendresse, se dit-elle, et je ne le considérerai jamais comme mon débiteur. Ah, combien pauvre le cœur qui spécule sur de pareils dons ! L'opinion de son oncle la soutenait malgré elle. Il croyait encore qu'elle pourrait épouser Frank. Oh, pourquoi avait-elle envoyé sa lettre ? Il avait-elle écrite si froidement ? Avec une semblable lettre devant les yeux, Frank ne pouvait faire autrement que d'acquiescer à sa proposition. Mais pourquoi donc ne répondait-il pas ?